Il y a eu à Pyongyang la course de relais sur route et la course de 30 km dans le cadre des compétitions sportives pour le prix Faipul de Pochonbo. Le club sportif 25 avril s'est classé premier à la course de relais sur route messieurs et dames. Ce club a aussi décroché les médailles d'or à la course de 30 km messieurs et dames seniors, tandis que le club sportif de Pyongyang et le club sportif 25 avril ont gagné la médaille d'or à la course de 30 km messieurs et dames juniors.